C'est là. Ouais. Je suis médecin dans cet établissement, je suis psychiatre. Je suis délégué du syndicat Force ouvrière des médecins hospitaliers. On vient d'envoyer une prise de position à tout l'hôpital de défense des collègues. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit avant. La situation dans laquelle on est, elle n'est pas propre à notre hôpital, c'est la destruction de tout le système. Mais la situation actuelle, elle est qu'il y a 7 collègues qui sont menacés de sanctions. On a pris une position contre toute sanction, contre toute convocation. Les sanctions doivent être retirées. La situation, la colère des collègues, elle est normale. La colère des collègues qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux, c'est la colère de tous les professionnels. Donc nous, en tant que syndicat de médecins, on soutient l'ensemble des collègues et on est disponible pour défendre tous les collègues dans toutes les réunions, dans toutes les convocations à la direction. Et ce qui a été dit sur le fait que notre hôpital ne serait pas attractif, au contraire, les services où il y a le plus de combats, c'est les services où il y a le plus de recrutement. On voit bien, il y a plein de services qui... Il y a des services majeurs de l'hôpital là où, qui n'ont pas fait grève, en tout cas chez les médecins qui sont peu positionnés, et c'est les services qui perdent des médecins. Donc en effet, je pense qu'on doit tous se mobiliser, le syndicat Force ouvrière des médecins hospitaliers défendra tous les collègues, quelles que soient les professions, pour qu'il n'y ait aucune sanction. Le droit syndical doit être respecté, le droit à la parole doit être respecté. Le fait que les collègues se soient exprimés pour dénoncer la situation, c'était nécessaire pour défendre et les collègues et les patients qui étaient en danger. Donc en aucun cas c'est un problème de non-respect de la loi. La loi, quand elle est inhumaine, etc., eh ben, on ne la respecte pas. On respecte le droit et le devoir de soigner les patients.